Chapitre 18. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir, et sa splendeur illumina la terre entière. Il cria d'une voix forte, « elle est tombée, la grande Babylone. Elle est maintenant un lieu habité par des démons, un refuge pour toutes sortes d'esprits mauvais, toutes sortes d'oiseaux impurs et détestables y vivent, car elle a fait boire son vin à toutes les nations, le vin de sa terrible immoralité. Les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. » Puis, j'entendis une autre voix qui venait du ciel et disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas avoir part aux fléaux qui vont la frapper, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses mauvaises actions. Traitez-la comme elle vous a traité, et payez-lui le double de ce qu'elle a fait. Remplissez sa coupe d'une boisson deux fois plus forte que celle qu'elle vous a préparée. Donnez-lui autant de souffrances et de malheurs qu'elle s'est accordée de gloire et de luxe. Elle se dit en elle-même, « Je suis assise ici comme une reine, je ne suis pas veuve et je ne connaîtrai jamais le deuil. » C'est pourquoi les fléaux qui lui sont réservés vont tous la frapper en un seul jour. Maladie, deuil et famine, elle sera détruite par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui la juge. Les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'immoralité et au luxe pleureront et se lamenteront au sujet de la ville quand ils verront la fumée de son incendie. Ils se tiendront à bonne distance par peur des souffrances qu'elle va subir et diront « Malheur, quel malheur! Ô Babylone, ville grande et puissante, une seule heure a suffi pour que tu sois puni. » Les marchands de la terre pleurent aussi et se lamentent à son sujet parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Or, argent, pierres précieuses et perles, fines toiles de lin, étoffes de pourpre et d'écarlate, soie, toutes sortes de bois rares, toute espèce d'objets en ivoire, en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre, cannelle, épices, parfums, myrrhe et encens, vin, huile, farine et blé, bœufs et moutons, chevaux et chars, esclaves et même vies humaines. Ces marchands disent à la ville, tous les produits que tu désirais avoir ont disparu de chez toi. Toutes tes richesses et ton luxe sont perdus pour toi et tu ne les retrouveras plus jamais. Les marchands qui se sont enrichis en faisant du commerce dans cette ville se tiendront à bonne distance par peur des souffrances qu'elle va subir. Ils pleureront et se lamenteront. Ils diront, « Malheur, quel malheur pour la grande ville. Elle était habillée d'un fin tissu de lin, de pourpre et d'écarlate. Elle était chargée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. Et une seule heure a suffi pour qu'elle perde toute cette richesse. » Tous les capitaines de navires et leurs passagers, les marins et tous ceux qui gagnent leur vie sur la mer, se tenaient à bonne distance et s'écriaient en voyant la fumée de son incendie, « Il n'y a jamais eu de ville pareille à cette grande ville. » Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, se lamentaient et criaient, « Malheur, quel malheur pour la grande ville. C'est de sa richesse que s'enrichissaient tous ceux qui ont des navires sur la mer. » Et une seule heure a suffi pour qu'elle perde tout. Réjouis-toi de sa destruction, ô ciel. Réjouissez-vous, membres du peuple de Dieu, apôtres et prophètes, car Dieu l'a jugée pour le mal qu'elle vous a fait. Alors, un ange puissant prit une pierre de la taille d'une grande meule à blé et la jeta dans la mer en disant, « C'est ainsi que la grande ville de Babylone sera jetée à bas avec violence et on ne la reverra plus jamais. » On n'entendra plus jamais chez toi la musique des harpistes et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On n'y trouvera plus aucun ouvrier d'un métier quelconque. On n'y entendra plus le bruit de la meule à blé. La lumière de la lampe ne brillera plus jamais chez toi. On n'y entendra plus la voix du marié et de la mariée. Tes marchands étaient les plus puissants du monde et par tes pratiques de magie, tu as trompé tous les peuples. Babylone a été punie parce qu'on a trouvé dans cette ville le sang des prophètes et des membres du peuple de Dieu, le sang de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre.